saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Na salimia kila mmoja wenu mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous avons quelques salutations. Tuko na masalamu. Des hommes de Dieu qui vous ont envoyé. Ile batumishi ya Mungu walimtumia, walimsalimia. Le pasteur Kabwe de Kakanda. Pastori Kabwe wa Kakanda. Pasteur Mbale de Lusaka. Pastori Mbale wa Kulusaka. Le serviteur de Dieu Jacques Baizire Goma. Mtumishi wa Mungu Jacques Baizire ule wa Kugoma. Frère Kizabi depuis Lubumbashi. Nduku Kizabi kule Kulubumbashi. Le frère Junior depuis Kinshasa. Nduku Junior kule Kinshasa. Le pasteur Paradoxe depuis Mbaka. Pastori Paradoxe kule Kumbaka. Le frère Kalala Rigen depuis la Tanzanie. Nduku Kalala Rigen kule Tanzanie. Ces hommes de Dieu vous ont tous salués au nom du Seigneur. Aba batumishi ya Mungu bari misalimia mujina ya Bwana Yesu Kristo. Je voulais dire quelque chose avant la prédication. Dipenda kusema ko kitu kimoya mbele ya mahubiri. C'est comme l'ancien l'a lu dans la doctrine au paragraphe 30. Mpaka vile mzee alisoma mu mafundisho yetu ya msingi pa nukta ya 13. Nous sommes un peuple en voyage. Tuko taifa yenye kwa msafari. Vous le savez tous. Munaijua nini wote. Que tous les gens que vous voyez dans l'église. Ya kwamba watu wote bale mko naona mkanisa. Des fois nous les appelons frères et sœurs. Za zingine tunawaita banduku na badada. Tous ne sont pas venus pour les saluer. Bote awaukuye juu ya wokovu hapana. Chacun de nous est venu des fois avec ses... Il y a certains qui sont venus avec les objectifs. Kuku bamoja balikuwa na mabifukuzio yabo. Et parmi ces gens, il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent rien du tout ce qui est apporté. Katikati ya bale batu banaume na banamuke kuku bale abaelewe ata kitu kimoya kile kiko na ubiriwa. Il faut que chacun de vous soit averti. Ninapasha kila mmoja wenu apate kukalamushwa. Comme vous le savez tous, le salut est individuel. Par vile munaijua nini yote okovu ni ya kila mtu binafsi. Ne suivez pas des mouvements dans l'église. Usifuate kundi ya watu mkanisa. Ne suivez pas un frère ou une sœur qui n'est pas sérieux dans son comportement dans l'église. Usifuate nduku wala dada washokubeba bitu na roho yote mkanisa. Nous voyons même les jeunes gens parmi nous. La plupart ne comprennent absolument rien. Les autres sont là parce que là, c'est l'église de leur père. Il y en a aussi qui ont la révélation. Mais il est de votre devoir d'être attentif aux actes que vous posez dans l'église. Vous devez être attentif à la manière dont tu reçois la parole de Dieu et la manière dont tu te comportes vis-à-vis de la parole. Ne dites jamais, j'ai vu tel frère faire telle chose, ou telle sœur se comporter de cette manière, moi aussi je vais le faire. Non, c'est une grosse erreur. Tu ne connais pas ce qui se passe dans son cœur. Et tu ne connais pas l'objectif qu'il a amené ici. C'est pourquoi que chacun de vous soit sous ses gardes. Dans l'église, la discipline est de rigueur. Mukanisa, utaratibu ni ya mafasana. Nous sommes tous appelés à respecter ce que font les diacres. Shibote tunaitwa tupate kuheshimia kile washemashi weko nafanya. Dans la crainte, muboka, sans murmure, bila kununika wala kusema chini chini. Nous vous avons déjà dit plusieurs fois. Tunesha miambia mara mingi. Qu'ici c'est dans la maison du Seigneur. Ya kwamba umu ni munyumba ya Mungu. Ce n'est pas ma maison. Aina nyumba yangu. Ce n'est pas ta maison. Aina nyumba yako. Ce n'est pas la maison de votre famille. Aina nyumba ya jamaa yako. C'est la maison de Dieu. Ni nyumba ya Mungu. Dans chaque maison, il y a une discipline. Mukila nyumba muku taratibu. Et ici aussi, il y a une discipline divine. Umunamo muku taratibu ya Mungu. Donc quand vous traversez déjà la porte, ukisha tu kuingia pa mulango pale, ou vous entrez déjà dans la parcelle de l'église, wala ukiingia tu mukiwanza ya kanisa, vous devez comprendre que vous n'êtes plus chez vous. Unapashi kuelewa sema hauna tena kwako. Même vos conversations doivent changer. Hata mazungumzo yako inapashi kubadilika. Et votre comportement doit changer. Na mwenendo yako ya kujongoza inapashi kubadilika. Et quand vous entrez dans l'église, vous devez vous soumettre à la discipline. Ukisha kuingia mkanisa, unapashi kutii utaratibu ya mkanisa. Ici, dans l'église, umu mkanisa, on ne s'improvise pas pour travailler. Awezi kushituka tu pake hivi, unaanza kutumika. Non, bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. On ne s'improvise pas pour venir travailler dans cette église. Awezi kushituka tu pake hivi, mui kanisa, ukwe munakaji. Tu t'improvises, tu commences à interpréter. Unashituka tu na wewe unaanza kutafsiri. Ou tu commences à faire une activité. Wala unaanza kufanya mkazi fulani. Sans l'accord du berger. Bila kukubaliwa na mchungaji. Non, ça ne se fait pas comme ça. Hapana, haiwezi kufanyika vile. L'église doit être informée de ça. Kanisa inapashi ijulishwe mu ile namna. Donc, avant de faire quoi que ce soit, manake, mbele yawe kufanya, izuru kitu gani, le berger doit être d'abord informé. Mchungaji kwanza kwanza anapashe ajue et autoriser la chose. Na apate kukuruhusu. Si le berger trouve que tu ne mènes pas une vie correcte, kama mchungaji anaona asema weye maisha yako haina kunyoloka, il ne peut pas te permettre de venir scandaliser les gens. Ashezu kuruhusu kuya hapa na ukwaze bantu. C'est comme les frères et les sœurs qui chantent à la chorale. Vous n'allez pas vous improviser pour venir chanter à la chorale. Lorsqu'on voit que ta vie n'est plus conforme à la parole, on vous sort de la chorale. Donc tous ceux qui travaillent sont dans les viseurs des conducteurs. Ils sont observés attentivement dans ce qu'ils font dans l'église. On observe même leur vie à la cité. Si nous sommes informés qu'un tel choriste ou une telle choriste ne marche plus correctement, on va l'enlever de la chorale. Il y a un ordre, il y a une discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Alors soyez disciplinés dans tout ce que nous faisons. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons Ruth au chapitre 3. Nous avançons à pas de tortue. Tunasonga mbele pole pole. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Jumina jua kuku banduku mingi na badada mingi. Des jeunes gens qui viennent à peine de croire. Babiana bale banatokelea mkuamini hapa sasa. Les autres viennent de l'école de dimanche. Bengine banatokea masomo ya muyenga. Les autres viennent d'autres assemblées. Bengine banatokea kumakanisa ingine. Nous y allons lentement. Tuna enda pole pole. Pour que chacun de vous saisisse quelque chose. Et surtout que nous traitons des choses qui sont liées au salut. La raison fondamentale qui nous a amenés ici. Nous sommes patients. Et nous observons comment l'Église reçoit la parole. C'est pourquoi il faut écouter. Il ne faut rien négliger. Nous avons commencé par l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament que nous avons les types du Nouveau Testament. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, comment Dieu a agi dans l'Ancien Testament, comment les élus ont agi dans l'Ancien Testament, vous ne comprendrez pas comment vous devez vous comporter dans le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament qui explique le Nouveau Testament. Surtout que nous vous avons dit que le livre des rites, c'est un livre de la rédemption. Ce sont des types qui nous enseignent exactement ce que nous devons faire pour expérimenter un salut réel. Alors, soyez attentifs. Muteke sikio. Et ne ratez rien. Na musikose kitu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Père céleste. Baba wa kumbingu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tunakushukuru sana. Parce que depuis que nous sommes séparés vendredi. Bwani tangia tuliachana mkazi tano. Mes frères et mes sœurs. Banduku na badada. Chacun était dans ses occupations. Kila mmoja alikuwa kwa makazi yake. Mais ta grâce nous a secourus. Lakini neema yako ilitusaidia. Tu nous as donné la force. Ulitupatia nguvu. Nous a donné la santé, bien que nous avons des problèmes comme des humains, mais nous te disons merci parce que tu as trouvé solution à chacun de nos problèmes. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Nous sommes venus ici non pas pour passer notre temps inutilement. Tu as parlé à notre cœur. Tu nous as rassurés que ton retour est imminent. Le message du temps de la fin, c'est la dernière occasion, c'est cette dernière parole que tu nous as envoyée pour nous préparer en vue de l'enlèvement. Seigneur, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre à chaque frère, ouvre à chaque sœur son entendement spirituel. Seigneur, que nous saisissions ta parole au-delà de notre compréhension. Seigneur, merci. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bénis la parole qui sera lue. Les frères et les sœurs qui sont malades, c'est toi qui es le grand médecin. Tous les frères et les sœurs qui ont des problèmes, c'est toi qui es la solution. Pour ceux qui sont affamés, c'est toi qui es la nourriture. Les frères n'ont pas du travail. Bénis leurs activités. Bénis leurs champs. Et donne aux frères du travail aussi. Dans les foyers où il y a des problèmes, c'est toi le prince de la paix. Seigneur, merci. Il y a des enfants qui se révèlent à leurs parents. Seigneur, ramène les enfants à l'ordre, Seigneur, à la discipline de la maison. S'il y a un frère, une soeur qui se révèle contre son époux ou son épouse, ramène ce frère à la raison. Merci Seigneur. Bénis tous les conducteurs du début à la fin. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amina. Ruth chapitre 3. Luta suraki atatu. Nous lirons un peu longuement. Tutasoma ko kirefu jusqu'au verset 11. Kufika na msari ya 11. Naomi sa belle-mère lui dit. Naomi mama yake mkwe akamwambia, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Binti wangu, mimi napenda kukuhakikishia mapumziko ili upate kuwa waheri. Et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Sasa hivi Boaz pamoja na bijakazi vale ulikuwa nao, eti yeye si ni ndugu yetu? Voici, ils doivent venir cette nuit les anges qui sont dans l'air. Tazama tafuna imangaribi ima shairi yenye kwa mkiwanza. Lave-toi. Unawe. Et oint-toi. Na ujipakae mafuta. Puis remets tes habits. Na kisha uvae mavazi zako. Et descends à l'air. Na ushuke mule mkiwanza. Tu ne te feras pas connaître à lui. Usijidudishe kwake. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger, de boire. Kufika na pale atamaliza kula na kunywa. Et quand il ira se coucher. Wakati ataenda kulala. Observe les lieux où il se couche. Wangarishishe pafazi ataenda kulala. Ensuite va. Kisha na wewe uende. Découvre ses pieds. Uvumbule miguu zake. Et couche-toi. Na ulale. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Yeye mwenyewe atakwambia ile unapaswa kufanya. Elle lui répondit. Naye akamjibu. Je ferai tout ce que tu as dit. Tafanya ile yote unaniambia. Cette parole me fait très bien au cœur. Inelo inanifurahisha moyo. Ruth dit. Luta akasema. Ma mère. Mama yangu. Ma bien-aimée. Mpendo wangu. Je ferai. Tafanya. Tout ce que tu as dit. Ile yote unasema. Le verset 6. Msari ya 6. Elle descendit à l'air. Akashuka mule mkiwanza. Et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Na akafanya ile yote mama yake mkwe alimwagizia. Fidèle, obéissante. Elle était fidèle. Alikuwa mwaminifu. Elle était obéissante. Alikuwa mtiifu. Voyez. Unaona? Elle descendit à l'air. Akashuka mkiwanza. Elle fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Na akafanya ile yote mama yake mkwe alimwagizia. Boaz mangea et bu. Boaz akakula na kunywa. Et son cœur était joyeux. Na moyo wake ulifurahi. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Akaenda kulala pembeni ya vifulusi ya mangano. Ruth vint alors tout doucement. Luta akakuja pole pole. Découvrit ses pieds. Akafumbula miguu zake. Et se coucha. Na akalala. Au milieu de la nuit. Katikati ya usiku. Cet homme eut une frayeur. Huyu mtu akasikia woga. Il se pencha. Akainama. Et voici une femme. Était couché à ses pieds. Tazama mwanamke mmoja alilala kwa miguu zake. Il dit, qui es-tu? Akasema wewe ni nani? Elle répondit. Akajibu. Je suis Ruth. Mimi ni Luta. Ta servante. Kijakazi wako. Étends ton aile. Nyoloshe ta servante. Mkono wako yulu ya kijakazi wako. Car kwani? Tu as droit de rachat. Uko na halali ya ukombozi. Je suis Ruth, ta servante. Mimi ni Luta, kijakazi wako. Celle qui est venue avec ta belle-sœur Naomi. Ula alikuya pamoja na semeki yako Naomi. La veuve. Ule muyane. Étends ton aile sur ta servante. Nyolosha mkono wako yule akijakazi. Car tu as droit de rachat. Kwani wewe kuna ruhusa ya halali. Et il dit. Na akasema. Et Boaz dit. Boaz akasema. Sois béni de l'Éternel. Barikiwe na Yehova binti wangu. C ce dernier trait, ikitendo ya mwisho, ce dernier trait, kitendo ya mwisho, témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Inashuhudia zaidi kushindia tai yako ya kwanza. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens. Kwani au kutafute babiana. Pauvre ou riche. Ba masikini wala batajiri. Maintenant ma fille, ne crains point. Sasa hivi binti wangu siogope kitu. Je ferai pour toi. Takufania. Tout ce que tu diras. Ile yote utasema. Car kwani la porte de mon peuple. Kwani mulango ya taifa yangu. C'est que tu es une femme vertueuse. Inajua sema kwa mwanamke mwema. Que Dieu ajoute la bendition à l'écriture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Boaz alikuwa anaisha kuivyo mteko. Boaz était déjà pris au piège. Anasema binti wangu. Ma fille. Apana tena kongopa kitu pumzika. Ne crains rien, repose-toi. Na miko na kuambia. Et je te dis. Mitafuanya kila kitu weye utaniambi. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mon cœur est ouvert envers toi. Moyo wangu inafunguka mbele yako. Tout ce que tu me diras, ile yote utaniomba, utaniambia, je le ferai. Mimi nitaifanya. Pour que tu sois heureuse. Tu upate kuwa waheri wa raha. Parce que tu es une bénie de l'Éternel. Mungu mwenye kubarikiwa wa Yehova. Tu as prouvé. Unahakikisha. Que tu aimes le Dieu d'Israël. Ya kwamba unampenda Mungu wa Israeli. Et tu as prouvé. Na unahakikisha. Que tu m'aimes. Ya kwamba unanipenda. Quand tu es venu ici. Wakati ulikuja hapa. Tu n'as pas cherché des riches. Haukutafuta watu. Parce qu'il y en a. Jube kwako. Tu n'as même pas regardé d'autres pauvres. Hakuangalia hata masikini wengine. Mais tu es venu vers moi. Alevino unakuja kwangu. Ne crains point. Usiogope tena kitu. Je ferai ce que tu me fais, tu me diras. Takufania ile yote utaniambia. Kwani tout Israël. Israël yote mzima. C'est inajua. Que tu es une femme vertueuse. Ya kwamba uko mwanamke mwema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vendredi en parlant du repos des riches. Mukazitano wakati tulikuwa nasemezea kuhusu mapumziko ya Luta. Lorsque nous avons pris Ruth chapitre 3, nous nous sommes seulement arrêtés sur le verset 3. Le verset 3, c'est Naomi qui instruit Ruth. Ni Naomi ndio anamfundisha Luta. Naomi lui donne son dernier message. Naomi anampatia ujumbe yake ya mwisho. Les dernières instructions. Maagizo ya mwisho. Naomi dit à Ruth. Naomi akamwambia Luta. Saivi Boaz. Comme Boaz, ni muzajietu, c'est notre parent. Ni yepe kenje kona rusa kutokomboa. C'est lui seul qui a le droit de rachat sur nous. Miko na kushauria binti yangu. Je te conseille, ma fille. Cette fois-ci, apana kufuana nkosa. Cette fois-ci, ne commet plus d'erreur. Jo, kama on a raté hapa. Parce que si tu ratais cette occasion, wena miye, toi et moi, on est mokuna malizika. Il sera fini pour nous. C'est vrai. Ni kweli. C'était la toute dernière occasion. Ilikuwa ni bati ya mwisho. Qui était donné à Ruth. Il est limupewa Luta. Pour gagner complètement Boaz. Je n'ai pas tout compris kabisa kabisa Boaz. Et pour que son bonheur. Na juu ya raha yake. Et même le bonheur de sa belle-mère. Na raha ya mama yake mkwe. Soit effectif. Ipate kwa na uhakika. C'est vrai. Ni kweli. Et Ruth ne devait négliger rien. Luta asikupashi kusula kitu. C'est pour vous voyez quand il t'entend cela. Je crois maintenant mon aona wakati Luta alisikia hiyo. Il dit maman. Akasema mama. Je ferai tout ce que tu as dit. Mimi nitafanya yote hii unaniambia. Je n'ai pas droit à l'erreur. Ni sina na ruhusa ya kukotola. Et nous avons dit ceci. Na tulimiambia hivi. Pour ceux qui n'étaient pas là. Kwa wale hawakuweko. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a des églises. Il a Israël, sa première épouse, et il a l'église des nations qui nous sommes. Dans la sagesse de Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans son amour, depuis l'éternité, Dieu savait que parmi les païens, il y aurait ses élus. Il y aurait des hommes et des femmes qui l'aimeraient de tout leur cœur. Dieu le savait. Mungu alitangua kuijua. Mais quand Dieu est venu sur la terre, sasa wakati Mungu alikuwa pa dunia, il a choisi Israël. Alichagua kwanza Israël. Il a traité avec Israël. Alitumika na Israël. Il s'est révélé avec Israël. Alijifunua kwa Israël. Et Dieu na Mungu traite avec Israël comme une nation. Eko na tumika na Israël sawa taifa. Il les sauve comme une nation. Eko na iokola sawa taifa. Ils ont un salut collectif. Eko na wokovu ya bote. Mais pour nous les nations, le salut est individuel. Ça dépend de celui. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Et Israël a rejeté son Messie. Et la grâce qui était sur Israël, les portes lui sont fermées momentanément. Et la grâce est tournée. Et Dieu a tourné ses regards vers les nations. Pour chercher parmi les nations ces hommes et ces femmes qu'il avait connus avant la fondation du monde. Ces païens-là qui n'étaient pas dans les plans d'Israël, mais qui dans leur cœur aimaient les dieux d'Israël, aimaient les dieux de vérité, et il aimait son salut. C'est ainsi que Dieu fut aussi un plan pour sauver les gens des nations, les élus des nations. Et le salut des nations a été loti dans cet âge de l'Église. Cet âge de l'Église. Depuis la mort de notre Boaz. Depuis la mort de Christ au bois du calvaire. Après avoir versé son sang. Après qu'il soit rejeté. Le salut a tourné vers les nations. Dieu maintenant a conçu un plan du salut pour les élus des nations pendant cette période. Depuis Éphèse jusqu'à cet âge de la Odyssée. Et nous, ce matin, nous sommes dans l'âge de la Odyssée, le septième âge, le dernier de tous les âges, qui doit fermer la porte de la grâce du côté des nations. L'Église est avec moi. Nous sommes dans la dernière tranche du salut. Et ce message, c'est ça notre dernière chance. Et c'est seulement dans ce message où les véritables élus peuvent expérimenter le véritable baptême du Saint-Esprit, qui est une condition pour l'enlèvement et pour aller avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit. Aina binti akubambia kunchongo ya bilole. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. I message aina kufana yo miza. Ce message il faut pas se jouer avec. Akuna tena. Il n'y a plus rien. Mujumbe ya repêchage haiko. Ce message pour repêcher nyana. Kama Yesu Kristo anakuya mwikizaji. Si Jésus Christ est là. Anakuwa kutubeba. Na tunanyanyuliwa. Nema inatoka kwa mataifa. C'est fini, va quitter chez les nations. C'est fini. Una malisika. Il n'y a pas un huitième messager. Akuna tena mujumbe. Il n'y a pas un huitième ange. Qui viendra, non frère. Tantôt vote, ben on passe à Kokolewa. Tous les hommes, Kokolewa, à Passasa. Même les vierges folles, ni à Passasa. Les élus expérimentent le baptême du Saint-Esprit à Passasa avec ce message. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. S'il y a une période où nous devons être sérieux, c'est maintenant. Si il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de rater l'enlèvement. C'est de manquer d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et ces enseignements que vous recevez, la parole que vous recevez, ce message que nous avons reçu, c'est l'unique message qui nous conduit au baptême du Saint-Esprit. Moumazez-vous. Dans les dénominations, même quand je vous parle ici, il n'y a aucun prédicateur, aucun pasteur dénominationnel, aucun croyant dénominationnel qui est baptisé du Saint-Esprit. En amont, il n'est pas là. Na atakuyamo. Et il ne sera jamais là-bas. Quand vous regardez aujourd'hui, ma kanisa, dans les églises, ils connaissent la cause à Zaïdi. Ils sont en train de se pervertir davantage. La vie a déjà quitté les dénominations. Jésus-Christ n'est plus dans la dénomination. La parole de vérité n'est plus dans la dénomination. Ceux qui attendent quelque chose de la dénomination sont seulement séduits. Et alors, si tu négliges ce message, c'est fini, frère. On a couché en tout. Imujumbe, ce message, il corrige en tout. Il coûte à dire mubiote, où il n'y a qu'un néana mubiote. En tout. Mubiote. Sur le plan social. Voyez. Sur le plan du salut. Il n'y a rien. Namna kuishi manyumba yetu, namna kuona, namna kutembea, tout. Toute la vie de l'homme a été éclairée. Parce que c'est le dernier message. Namna kupata roho mtakatifu. Namna kuzaliwa kwa mara ya pili. Namna kutakaswa. Namna kuwa msalama na Mungu. Namna kuwa msalama na banduku. Yote Mungu anaweza kuifunua. Dieu les a révélés. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. Kama on a raté, si tu raté, kuna kuisha. C'est fini pour toi. I mujumbe. Ce message. C'est l'unique message. Ni mujumbe moja tu. Qui a en lui. Yenye kwa na. L'eau. Na maji. Qui sanctifie. Ya kutakasa. L'âme. Nafsi. L'esprit. Ro. Et le corps. Na mwili. Kama unashindwa, si tu rates, utakashwa na hii neno la wakati ya kumwisho, hakuna tena kitu kile kitakutakasa, maana yake tu n'es pas un élu. C'est-à-dire, hauna mteule. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté. Je crois que tuliweka sana mukazo musiku ya kazi tano. Lave-toi. Woshe, unawe. Wendwa. Ujipaka mafuta. Et remets tes habits. Na uvae mavazi zako. C'est vrai. Ni kweli. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Nous vous avons dit ceci. Tu lui m'as dit ceci. Le repos ma pumziko n'est accordé inaletewa à ceux qui ont travaillé kwa bale baritumika et qui sont fatigués na benye kuchoka. Le travail kazi amène la fatigue. Diku naleta mchoko. Et quand un homme est fatigué, wakati mtu anachoka, il a besoin de se reposer. Anahitaji apumzike. Vous voyez. Munaona, pour renouveler sa force. Vya kurudisha nguvu yake. Ruth ne pouvait pas se reposer. Luta akuwezi kupumzika. Avant d'avoir travaillé. Mbele ya ye, kisha kutumika. Non mon frère. Apana ntuku mpendo. Nous aussi. Na sisi pia. Nous ne pouvons pas entrer dans notre repos. Atuwezi kuingia mapumziko yetu. Avant d'avoir travaillé. Mbele ya sipo sisi kutumika. Non bien mes frères. Apana ntuku mpendo. Le baptême du Saint-Esprit, qui est le véritable repos de l'âme, c'est une confirmation de notre travail de la foi. Votre foi, ma foi, a bien travaillé dans la sanctification. Et Dieu est témoin de votre travail. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Chaque jour de notre vie. Dans nos maisons. À l'église. Le Saint-Esprit est en train de surveiller le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Dieu ne regarde pas comment nous sommes habillés en veste, comment tu es habillé en belle robe, comment tu t'es parfumé. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans l'église, il est en train d'observer ce cœur qui travaille. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est quelqu'un qui n'a pas encore de repos. Mais qui travaille durement. Qui combat. C'est quelqu'un qui combat. Les démons. Cette foi. Qui renverse les montagnes. Qui renverse l'incrédulité. Cette foi qui œuvre dans l'obéissance. À toute la parole de Dieu. Le Seigneur observe. Ni bale ambao. Ce sont ceux-là. Beko na tumika. Qui travaillent. Na nguvu yabo sana. Avec toute leur force. Jo bale ambao. Ce sont ceux-là. Mungu ataleta kupumzisha. A qui ataleta kupumzika. Va leur donner le repos. Ce n'est pas n'importe qui. Aina mtu ote ote. Non bien aimé. Apana nduku mpendwa. Non bien-aimés sœurs, le repos est pour le travailleur, ceux qui ont travaillé. Le repos n'est pas pour les aventuriers. Non bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes négligent, vous n'aurez absolument rien de la part du Seigneur. Le repos ne viendra pas. Tu peux te reposer dans l'église, mais ton âme ne sera jamais, ne se reposera jamais. Il faut travailler. Quand vous travaillez, le Seigneur vous fera aussi grâce. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Ruth a travaillé avant d'expérimenter son repos. Et vous devez aussi travailler. Maintenant, suivez-moi très bien. Avant de parler, nous allons parler d'abord de nous-mêmes. Pour ce qui concerne le repos d'un homme, il y a deux choses fondamentales qui rassurent la véritable paix ma pomziko ya kweli à l'homme sur cette terre. Wa mtu hapa pa dunia. Quelles sont ces deux choses? La première des choses, c'est le salut de votre âme. Quand un homme est sauvé, il se repose de ses œuvres mauvaises. Il n'est plus un homme agité. Non, bien aimé frère. Et le repos de l'âme que nous recevons nous conduit directement dans l'éternité. C'est vrai, frère. C'est un repos éternel que nous recevons dans nos âmes. Voyez, nous nous reposons de toutes les œuvres de la chair. La deuxième chose qui nous rassure la paix, c'est un mariage harmonieux. La première, c'est le salut de nos âmes. La deuxième, c'est le mariage. Un mariage harmonieux. Si tu rates le salut, tu es un homme malheureux. Et tu seras malheureux pour toujours. Si vous ratez le mariage terrestre, vous êtes encore malheureux. Vous passerez toute votre vie terrestre dans les tourments. Ce n'est pas pour rien que Dieu du ciel a posé des conditions pour un jeune homme, pour une jeune femme, avant d'entrer dans le mariage. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Les deux choses. L'église est avec moi. Le salut de l'âme pour la vie éternelle. Un mariage harmonieux pour la paix terrestre. Si vous ratez ces deux choses, vous êtes malheureux. Même votre naissance n'a pas de sens sur la terre. Il kuyaka muzuri ufui ata muntumbo ya mama yako. Il kuyaka ata muzuri ufui emorne. Plutôt que venir dans ce monde, vous ratez le salut et vous ratez le mariage. Non, bien aimé frère. La première des choses dans la vie d'un homme, kitu kya kwanza mu maisha ya mtu, la plus importante, kya mafa sana, c'est le salut de votre âme. Ni okovu ya nafsi yako. C'est vrai. Ni kweli. Quand un homme est sauvé, wakati mtu anaokolewa, il est en sécurité. Eko katika ukingo. Et il se sent en sécurité avec Dieu. Ce dernier vivra sans inquiétude. En attendant sa récompense éternelle. Dans le calme et sans agitation. Frère, ma soeur, Dada Yang, kama muntu anesha kokolewa, lorsqu'une personne est sauvée, nafsi yake, son âme, roho yake, son esprit, aikalake tena na mangaiko, il n'est plus dans l'agitation, akuye mashikini, qui soit pauvre, akuye mutajiri, qui soit riche, akuye kufunda masomo, qui soit intellectuel, akwe washipo kufunda masomo diswa enilettre aina tena mangaiko yake ce n'est plus sa préoccupation bamowe qui soit épousé akuye mbalaka qui soit célibataire son cœur n'est pas troublé moyo wake aifadhaike bamowe kuko mashikini qui soit épousé par un bamowe kuko mtajiri qui soit épousé par un aina mambo yake ce n'est plus sa préoccupation il n'est pas inquiet ana tena na il n'est pas inquiet mwanamke wala mwanaume akuye na kazi il est de l'emploi ana na kazi ce n'est pas il n'est pas troublé ana mwenye kufadhilika kitu kimoya eko nacho si hata kama ana na kazi me ye kufa na njala hata kufa na njala ne peut pas mourir affamé parce qu'il a le Dieu tout puissant Dieu kona Mungu wa uwezo wote Dieu s'occupera de lui Mungu atamwangaikia kukosa nguo aje kupwala manke dabia pote hata kosa hata nguo moya inamwenea lucifira il est en repos eko katika mapumziko pourquoi Dieu a nini ni juu maisha yake yote anaijenga yulu ya Mungu anajua kusema Mungu ni mtajiri mbiote mu wakati yake bila mimi nakosa atanipachia mu wakati yake atanipangusha machozi mu wakati yake atanitunza il sait cela. Anayua vile. Il est au repos. Na eko katika mapumziko. L'église est avec moi. Eti kanisa munafuata. Kama mateso ya ulimwengu. Si la souffrance de ce monde. Iko na kuangaisha. Iko na kutrouble. Experience yako na Mungu. Ni ya bongo. Magonjo inaingia mnyumba. La maladie entre dans ta maison. Aina kubamba. Unakuwa troublé. Là tu es troublé. Persécution Mateso, dû à imani yako inaingia maisha yako unakuwa troublé imani yako ni ya bongo c'est-à-dire ta foi là est fausse parce que nous avons Jutuko, un consolateur mufariji, dans chaque situation mambo yote kama uko nangaika si tu es agité tu souffres mais akuna muntu okutuliza et qu'il n'y a personne pour te consoler asa Mungu ni eko na maana gani et alors quel est l'essence de Dieu kama we uko nangaika si toi, tu es saba pagano bote hapa souffres comme tous les restes de païens asa Mungu anakusaidia nini maisha yako et alors qu'est-ce que Dieu t'a regardez comment Jésus dit mwangalie namna kani Yesu anasema cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice na hivi vitu vingine vitafuata nyuma suivront après et Jésus dit hapana kuangaika ne vous agitez pas nini, de ce que vous nini, de ce que vous vale vanangaika ka ni ba pagano pour cela ce sont des païens baba yako wa mbingu anajua kusema uko navyo lazima vous en avez besoin c'est ainsi frère je commande en duku ni kateste kama kaloko sana c'est un petit test mutoto mwanaume au mwanamke un fils ou une fille wa Mungu de Dieu ule anesha kuzaliwa kwa mara ya pili na anesha kupata roho mtakatifu angaishwa tena na vitu vya dunia c'est vrai frère il se sent sécurisé par la présence de Dieu dans sa vie. Il est sécurisé. Ce n'est pas l'imagination. Il ne sait pas qu'il imagine qu'il est insécurisé. Il sent cela et il dit cela. Kama vitu maisha yake inakuwa sasa kuna mkomplike Dieu du ciel Mungu akumbinga intervient atamsaidia c'est pourquoi il dit c'est pourquoi la Bible dit Mungu aletake majaribu kupita imani ya mtu yani kupita kipimo ya imani ya mtu il n'y a pas de tentation qui dépasse la force de l'homme non il n'existe pas de tentation qui dépasse la foi. Non. Kama Mungu anapenda kujaribu, si Dieu a besoin de t'employer les épreuves alors, va, non, selon les degrés de ta foi. Il sait qu'à ce niveau ici tu sauras à cet autre niveau, tu ne seras pas. C'est cela. Anesha kujua vile. Kama nando kuna seme. S'il voit que tu commences maintenant à faillir, alors il arrête. Oui, bien aimé frère. Dieu nous comprenne. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas un enseignement. C'est ça la vie d'un chrétien. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Et cet homme qui est sauvé et qui a le baptême du Saint-Esprit en lui, il est calme sans agitation. Il attend sa récompense. Et il dit, Adam, il n'y a pas de kintu dans la dunia. Le ciel et la terre m'appartient. Le millénium m'attend. L'éternité m'attend. Dans le millénium, il n'y aura pas de souffrance. Dans l'éternité, il n'y aura pas de souffrance. C'est vrai, frère. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu au chapitre 11, l'écriture, vous la connaissez bien. Matthieu chapitre 11, verset 15 à 16. Matthieu chapitre 11, non, j'ai dit 28 à 30. Ah, ni mustari, Matthieu chapitre 11, Matthieu sura 11, 28 à 30. Mustari ya makumi mbili na munane kufika. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mukuje kwangu mwe bote benye kuchoka na kulemewa. Je vous donnerai du repos. Mimi nitampatia mapumziko. Prenez mon joug sur vous. Mwewe nyira yangu yulu yangu. Et recevez mes instructions. Mupokee maagizo yangu. Car je suis doux et humble de cœur. Kwani niko pole. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mutapata mapumziko. Car mon joug est léger. Kwani mzito wangu ni mwepesi. Mon joug est doux. Mziko yangu. Et mon fardeau est léger. Ya upole na mziko wangu ni mwepesi. Seul Jésus-Christ. Peke yake Yesu Kristo. Amen le repos dans l'âme de son élu. Comme Boaz était l'unique personne qui devait donner le repos à Ruth. C'est vrai frère. Et notre véritable repos se trouve dans le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, premièrement, kwanza, c'est un sceau. Ni muri. Vous qui écrivez, notez cela. Le Saint-Esprit est un sceau. Ni muri. Le sceau signifie quoi? Muri manake nini? La présence d'un sceau. Uwepo wa muri. Signifie manake que l'œuvre est déjà terminée. L'œuvre est déjà finie. Il n'y a plus rien à y étrancher. Il n'y a plus rien à ajouter. La chose a été éprouvée et tout a été trouvé. Parfait. Na yote wanaikuta iku salama iku kamilifu. Quand on appose son sceau sur une lettre, wakati wanatia muri ya barua, on approuve que toutes les idées manake unahakikisha kwamba yote iloriandika qui ont été consignées dans la lettre iloriandika mu barua sont parfaites. Iku kamilifu. Tu as vérifié la lettre. On a chunguza barua. Tu as vérifié ce que tu as écrit. On a chunguza ile uliandika. Tu n'as plus d'autres pensées. Hauna tena na wazo wengine ya kuongeza. Ajouter à la lettre. Ya kuongeza ku barua. Tu n'as plus d'autres paroles. Hauna tena na misemo. À dire à ton chéri. Ya kusema. À ton ami. À ton frère. À ta famille. Tout ce que tu avais. Comme paroles. Comme instructions. Sawa maagizo. Tu les as consignées. Unesha yandika. Et vous mettez votre signature. Pale unatia saini. Et vous mettez votre sceau. Kisha unatia muhuri yako. C'est-à-dire, manaki, la lettre devient une œuvre achevée. Barua il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à y retrancher. Voilà, c'est déjà terminé. Quand on a encore des idées, ajouter, on ne sait pas aller à la lettre. Quand vous allez du côté de la SNCC, pour ceux qui ont fait les trafics, ou le travail pour louer les wagons, voilà, kazi ya ma wagon. Quand la SNCC vous donne un wagon pour charger la marchandise, ils vont vous donner un temps. Le wagon est à votre disposition. Vous y chargez tout ce dont vous avez besoin selon la lettre de la manutention. Puis le webonyo, on a peine d'akupakisha moule. C'est que vous pouvez charger là-dedans. Et il faut que vous pangez mouzouri. Il faut les ranger d'une manière ordonnée. Du wagon, pour que les wagons ne puissent pas connaître le wagon. Ou potese mali yako, et de perdre votre marchandise. Ou potese mali avant tout bengine. De ne pas perdre la marchandise. Parce que ton wagon sera attaché à d'autres wagons. Kama yako inanguka, itawezi kuendommager. Aina paka marchandise yako, itaendommager na njanja, inaendommager. Tu charges ton wagon. Il y a l'inspecteur de la société qui passe. Ce n'est pas toi qui mets ton sceau. Si vos documents, il y aura le numéro de ton sceau pour montrer que ton wagon a été scellé. L'inspecteur passe. Après que vous ayez terminé de charger, il vérifie. Est-ce que tes marchandises enu, ont été chargées correctement? Mzuri. Ça ne peut pas créer d'accident. Ayezi, kuleta msiba. Quand l'inspecteur vérifie que tout est en ordre, il prend le plomb, il prend le wagon. Et ce wagon-là ne peut plus être plus ouvert. Le plomb ne peut plus être brûlé. Quand le wagon est scellé, il est fermé, on va seulement l'ouvrir à la destination. Prêt. Les choses du monde ici nous enseignent les choses spirituelles. Kama urianjika wagon yako, ni ya kwenda ku Kalemi. Voyez, mais maintenant, inafika pa Kamina. C'est arrivé à Kamina. Pas croisement, Dieu a quenda qui il est beau, a quenda à Kalemi. Maintenant vers il est beau, les chemins, maintenant vers Kalemi. Ça, maintenant. SNCC, les agents de la SNCC, ba na kotola, wagon yako ba ni aligné, na ma wagon ya kwenda, avec les wagons qui il est beau, aller à il est beau. Ça peut aller, ça peut partir. Il t'a fait que na qui il est beau. Ça peut même arriver à il est beau. Parler dans ce qui il est beau. Parce que ça arrive à il est beau. On arrive. Avant d'ouvrir, on prend les documents. On voit, on vérifie le plomb. Quand on lit les documents. On regarde sur le plomb, sur le seau. Il dit non. Il y a une erreur. Ce wagon appartient à José Mbala. C'est quand ce wagon doit aller à Kindu. Frère, les agents de la SNCC détachent les wagons, d'autres wagons qui doivent être déchargés à Ilebo. Et ce wagon-là devient prioritaire. Pourquoi? Parce que la SNCC risque de payer gros des amendes. À la première occasion, s'il y a seulement une tête qui doit retourner, on doit retourner vite les wagons de José. Frère, Ntuku, aucun homme ne peut toucher. Hakuna mtu wa kugusa. Il ne peut briser ce sceau. Parce que c'est scellé jusqu'à la destination. Na où les wagons ne peuvent fungula, ni kukindu, à Kalemi. Frère, Ntuku, quand Le Saint-Esprit scelle le cœur de quelqu'un. Wakati Roho Mtakatifu natia muri mutu. Il n'y a rien. Hakuna tena kitu. Que Satan peut faire. Kile Shetani anaweza kufanya. Quand le cœur, l'âme de quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, il n'y a rien au monde que Satan peut faire pour détourner ses frères, ses croyants, ses sœurs-là à la destination éternelle. Rien du tout, frère. Rien du tout, frère. Un homme qui a déjà le Saint-Esprit, il a la garantie. Il est assuré. Et rassuré. Il n'a pas d'inquiétude. Il sait que le ciel et toutes les promesses lui appartiennent. Christ lui appartient. L'éternité lui appartient. Le bonheur lui appartient. La joie lui appartient. La santé éternelle lui appartient. Awezi kuangaisha. Awezi kuangaika. Tu m'attestes, toi muda. Par la souffrance éphémère. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas une souffrance éternelle. Non, bien de mes frères. Non, bien de mes sœurs. C'est fini. C'est pourquoi on a besoin de ces sceaux-là qui nous conduit au véritable repos. Quand Dieu vient te donner son esprit, mnikusema, c'est-à-dire, un, cha kwanza, imani yako, ta foi, Mungu alichunguza, Dieu l'a vérifié, aone mubaya, il n'a pas vu un défaut, imani yako ni ya kweli, ta foi est vraie. Repentance yako. Kutubu Mungu aliangalia vile ulijitubu. Unatengeneza. Même dans ta repentance. Mungu aone mongosi. Dieu ne voit pas de faute dans ta anangalia. Mumaisha yako wa sanctification. Dans ta vie utakaso. Il vérifie. Anachunguza. Il trouve que. Anangalia kwamba. Dans la sanctification. Utakaso. La sanctification est parfaite. Utakaso ikamilifu. Il n'y a rien. Amuna kitu. Dans le renouvellement. De tes pensées. Il n'y a plus rien. Il dit, hakuna tena kiami kuongeza ndani ya hii. Sina tena kia kufunguza amu. Je lui donne mon Saint-Esprit parce que c'est déjà une œuvre achevée. Le sang de Christ a déjà tout fait. C'est vrai, frère. Le Saint-Esprit est un sceau. Roho Mtakatifu ni muhuri. Le sceau qui signifie muuri mana yake une œuvre achevée. Kazi yenye kumalizika. C'est vrai, frère. Ni kweli ndugu. Le Saint-Esprit révèle encore. Roho Mtakatifu nafunua tena. C'est une conclusion d'une alliance. Manake ni ou d'un contrat. Ni kutia agano. Dans un contrat, muagano, il y a toujours deux parties. Munekalaka paka pande mbili. Deux parties. Ma bipande mbili. Et les deux parties doivent honorer, doivent respecter les conditions de l'alliance ou les conditions du contrat. Si les conditions ne sont pas respectées, on brise l'alliance. Mais quand un homme reçoit le Saint-Esprit, il est dans une alliance avec Dieu. Je ne veux pas entrer en profondeur. Parce qu'on en parle là. Il est dans une alliance avec Dieu. Il est dans un contrat avec Dieu. Et le respect des conditions de l'alliance ou du contrat est de rigueur. Regardez dans Exode 24. Dans Exode 24, Dieu fit alliance avec Israël. Mungu alifanyaka agano na Israël. avant que l'alliance soit scellée par le sang. Vous verrez que Dieu appela Moïse à la montagne. La loi fut donnée. Dans lesquels il y avait les conditions de l'alliance. L'alliance fut, et donc et la loi fut lue devant tout le monde. Après qu'Israël ait écouté la loi de Dieu, Israël dit, nous ferons tout ce que toi tu as dit. Comme Ruth l'a dit à sa belle-mère Naomi. Nous ferons tout ce que tu as dit. C'est ainsi que Dieu, c'est ainsi Moïse, prit le sang de l'alliance, il aspergea sur le livre et sur le peuple. Lisons un peu cela. Exode 24. Dans son verset 1 à 8. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Abidab et Abidu, et 70 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse veut rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Kisha kalamuka subui mapema kayenga zaabu umigu ya mulima na ka lamusha maibu 12 Il envoya des jeunes gens, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et les lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Musa kachugua damu na kaimimia yule ya watu na kusema tazama damu ya agano ile Yehova alifanya pamoja na misemo yake. Le peuple d'Israël, taifa ya Israeli, était parfaitement d'accord balikubali kabisa kabisa avec tout ce que Dieu avait dit. Na ile, balikubali ile yote Mungu alisema. C'est ainsi que Moïse prit ses paroles. Il les consigna dans un livre. Il prit la loi. Il la consigna dans un livre. Pourquoi? Le peuple et Dieu étaient d'accord de marcher dans cette alliance. Ouais, bien, mes frères. En ce qui concerne un contrat, vous pouvez le lire dans Jérémie au chapitre 32, dans son verset 9 à 10. Quand un contrat est signé, les deux parties doivent respecter, doivent observer les conditions de l'alliance. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Et nous sommes dans une alliance avec Dieu à travers le sang versé au voie du calvaire. Étant étant dans l'alliance avec Dieu, nous n'avons pas le droit de briser la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit de vivre contrairement à la parole de la Bible. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Les paroles de notre alliance avec Dieu se trouvent dans cette Bible. C'est vrai, frère. Toute la volonté de Dieu y est consignée. Quand tu dis oui, tu es lié à cela. Manake unafungwa na ile agano. Quiconque vit yeyote yule konaishi en dehors de ce qui est écrit inje na yenye kuandika dans le livre de l'alliance, kitabu ya agano, sera exclu de l'alliance. Ataondoshiwa mwa agano. Il brise son contrat entre lui et Dieu. L'église est avec moi. Kati yake yeye na Mungu. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa mnafuata. Pour que notre alliance demeure avec Dieu, nous sommes obligés de respecter mot à mot la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne vivons pas n'importe comment. Dieu a laissé tous les peuples du monde vivre comme ils veulent. Kuishi vile wanataka. Croire comme ils veulent. Kuamini vile wanataka. Marcher comme ils veulent. Kutembea vile wanapenda. Adorer comme ils veulent. Kuabudu vile wanataka. Mais nous les chrétiens, lakini sisi wa Kristo, à travers le sang de l'alliance, kupitia damu ya agano, le sang versé au bois du calvaire, Dieu ne nous a pas laissé libres. Mungu asikutuacha uhuru hapana. Nous ne sommes pas libres. Si c'est à tout na uru mbele ya Mungu hapa. Nous sommes dans une alliance avec notre Dieu. Pamoja na Mungu wetu. Nous devons vivre selon les termes de notre alliance. Ya agano yetu. Nous devons respecter les conditions de notre alliance. Ya agano yetu. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada. Tout le monde bantu bote peut se marier comme il veut. Banawezi kuoana vile wanapenda. Sans considérer la parole. Bila kuangalia neno la Mungu inasema nini. Ce n'est pas notre problème. Ila ina mambo yetu. Dans les couples païens, mumando ya wapagano, il peut vivre comme il veut. Banawezi kuishi vile wanapenda. Ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Havana katika agano na Mungu. C'est là le problème. Ile inawangalia. Tout le monde ici, bantu bote, tous les païens, même aller chez les devins, kubafumu, comme ils veulent, vile wanapenda. Ce n'est pas notre affaire. Ila ina mambo yetu. Mais nous, alakini sisi, nous sommes dans l'alliance tuku katika agano, avec Christ, pamoja avec Christo, notre Dieu. Pamoja na Mungu wetu. Nous ne pouvons pas faire hatuwezi kufanya des choses qui s'opposent kwa kinyume à notre alliance, aux conditions de notre alliance. Na kanuni ya agano yetu, hapana. Frère, nduku, nous sommes tenus à obéir à chaque parole de Dieu pour que notre alliance demeure. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'imiter les païens. Tu n'as pas le droit d'imiter les dénominationnels. Oh, banafanya kaivi. Banafanya kaivi. Umafete banafanya kaivi. Banekayo banabudu hivi. Ce n'est pas ça notre problème. Ils ne sont pas dans notre alliance. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous devez respecter. Comme on appelle Mungu akuheshimie. Si tu veux que Dieu t'honore. Wewe tangura na wewe kuheshimia. Commencez par honorer. Ma kanuni ya agano yetu. Ah, le. Mungu atakuheshimia. Le principe de notre alliance. J'aime que l'église comprenne ça. Ninapenda kanisa ielewe. Chez en tant que batoto ya Mungu. Nous en tant qu'enfants. Chez en tant que bateule ba Mungu. En tant que atuna libre de vivre comme nous voulons. Ya kuishi vile tunataka. Hapana. Non. Nous ne sommes pas libres de nous habiller comme nous voulons. Nous ne sommes pas libres de nous arranger comme nous voulons. Non, bien aimé frère. Nous sommes un peuple particulier. Tu viens à l'église. Ah oui, il y a des termes. Pas venir à l'église. Manger des shingoms. Celui qui entre le repos entre maintenant dans une alliance avec Dieu où il lui est interdit de vivre sa volonté. Une femme mariée est dans une alliance avec son mari. Une femme mariée n'est pas libre de faire ce qu'elle veut dans le mariage. Pour les chrétiens, il n'y a pas le droit de la femme. C'est un droit de démon. L'homme et la femme sont égaux. Non, nous ne sommes pas égaux. La femme a été tirée de l'homme. La femme est soumise à l'homme. Nous ne sommes pas égaux. La femme, c'est elle qui doit aller à la maternité. C'est à elle que Dieu a dit, tu enfanteras avec douleur. Nous comment est-ce que nous serons égaux? C'est toi qui pleures de douleur d'enfantement. Comment est-ce que nous serons égaux avec toi? C'est toi qui allaites. Nous ne sommes pas pamoya. C'est Satan qui trompe les gens. Dans le mariage, la femme doit respecter les conditions de l'alliance du mariage. L'homme doit respecter les conditions de l'alliance du mariage. Il ne peut pas se lever et colinda kulalala na banamuke bota c'est non c'est fiché avec n'importe quelle femme pour dire sous prétexte que comme mwanaume anaenda kulala na mwana au mwanamuke inje ya ndoa fiché avec une femme en dehors du mariage ana protège bu chef ya il perd son droit de chef. L'autorité de l'homme vient de Dieu. Et c'est une autorité conditionnelle. C'est basé sur la parole de Dieu. Yenye kuyengwa yulu ya neno la Mungu. Non, je suis chef, je suis chef. Non. Tu as brisé les conditions de l'alliance. Pale unavunja makanuni ya agano. Il faut kushuka, kuya kutubu kutengeneza. Venir te repentire, réparer. Alors, là vous allez recommencer la marche. C'est vrai frère. Et Dieu veut que tous ceux qui sont entrés dans son repos demeurent dans son alliance et respectent les conditions de son alliance. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Et le repos du Saint-Esprit signifie encore le signe de propriété, d'appartenance ou d'acquisition. Frère, ma soeur, lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit, yenye kuya mapumziko qui est le repos ya Mungu ndani ya nafsi yake de Dieu dans son âme Mungu eko na mupachia Roho Mtakatifu. Dieu lui dote. Ni juu ya kuonesha. C'est pour montrer. Ba malaika mumbingu. Aux anges. Ba tunda na dunia. Aux hommes sur la terre. Na mbele ya kanisa yake kusema. Et même devant son église. Huyu mwanamke. Cette femme. Na huyu mwanaume. Cet homme. Anesha kuya mali yangu ya kipekee. Il est devenu ma propriété privée. C'est un signe d'appartenance à Dieu. C'est un signe qui prouve que nous sommes devenus la propriété privée de Dieu. C'est un signe qui prouve que nous avons été acquis par Dieu lui-même. Le sang versé au bois du calvaire n'a pas été versé pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi et pour moi. C'est pourquoi Dieu, pour montrer que nous lui appartenons, il nous donne son esprit qui nous conduit au véritable repos. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Lorsque Dieu nous donne son esprit, le Saint-Esprit, qui devient un signe d'acquisition. Un signe d'acquisition. Vous voyez, les sang versé au bois du calvaire a payé ton âme, a racheté ton âme. Tu n'as plus de dette envers le monde. Satan n'a pas une main mise sur vous. Les démons n'ont pas les mêmes mises sur vous. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Je suis déjà racheté. Minesha kuya wa Mungu. Je deviens une propriété privée de Dieu. Na kuna muntu atawezi kunigusa. Et il n'y a personne qui peut me toucher. Bila ye kupata maripizi. Sans être inquiété, sans être puni. C'est pourquoi vous voyez dans tout l'Ancien Testament, et même chez les païens, une femme mariée est considérée comme intouchable. Une femme mariée est intouchable. Attends au président de la République. Même si tu es un président de la République. Même si tu es un général à 25 étoiles. Même si tu es général à 25 étoiles. Il ne t'est permis de toucher la femme d'un pauvre. Bibi wa mashikini, la femme d'un pauvre, ata analalaka naye chini ya muchi, ata analalaka naye yulu ya muchi, ata analalaka naye mumuta, we uko nalala kuma etage. Mungu anakataza kumugusa, ni mali ya benyewe. C'est pourquoi nous avons besoin de vraiment se couler pas mal. Pourquoi vous, les frères, il faut payer la dot. Bah frère, la marie pas que marie vite via haya sang. Les frères qui ne payent pas de dot, c'est vraiment honteux. Si vous avez la sœur en accoufoua. Les jours que la sœur meurt. Unanza. Tu commences. Unanza kuripa. Ukonaripa marie amouf. Tu commences à payer la dot d'une femme qui est déjà morte. Quelle humiliation. Vous faisiez chagrin. À toi de bouger. Bibi yako kama wealipa mali. On va pas enterrer ta femme, tu n'as pas. Ou bakiaka na 100 dollars va ne multiplier fois 10. Tu étais resté avec 100 dollars, on multiplie. Comme amende, il faut courir pas 1000 dollars. Il faut payer 1000 dollars à la place des 100 dollars. Moi, je courir pas mali, frère. Payez vos dettes, vos dotes. Et shima ya mwanamuke ya bibi kundoa. Le respect d'une femme mariée, c'est la dot. Non, moi, bah, frère, bah, vous aussi les. Comment est-ce que tu peux vivre avec un homme Unazala naye batoto miaka enfanté des enfants et des enfants batoto 8 na batoto yako banaanza kuzala commence aussi à mettre na bo banaolewa uko na bankana mais bila kuisha mari ya vivi bila kuisha mari sans que tu aies terminé la dot uko na roho mbaya we mwenyewe mtoto mwanamke. Tu es une méchante toi-même. Tu n'as même pas le temps de rappeler à ton mari d'aller terminer la dot. Banaume na banamuke bale beko na ishi bila mari beko na fwana ni bundumba. Ils vivent dans le concubinage. Kama mwanaume eko naishi na mwanamke bila kumpelekea mari aina bukweri ni bundumba beko nafanya. C'est pas le mariage, ils vivent dans le concubinage, dans la prostitution. Prostitution. Bundumba. Vous vivez dans la convoitise. Vous vivez dans la convoitise. Vous vivez dans la convoitise. Pris dans la convoitise et vous naïche mon bon. Mwanamuke wa shipo kupelekea mari ana na bei. A une femme pour qui on a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur, elle est une prostituée. Ni bandumba joba na ichikaka kwenda kubukweli kwenda kuikalia aina bukweli baenda kuikala bila mari. Ce sont des prostituées qui acceptent d'aller cohabiter avec son mari. Fikale tu. Fikale tu. Fikale tu. Nous avons déjà eu des enfants qu'on reste comme ça. Mwanamuke wa atamu ulikuwa kama pagano, mlikavuliana kama mimba mpagano. Vous êtes en grosse lorsque vous êtes kama munaamini, mumetre maisha yenu en ordre, parce que munakuya mwinchi ingine. Votre vie parce que vous êtes devenu dans un autre pays. Mui dunia hii, hata mui mugina kambove. Bantu banajua heshima ya ndoa ni paka shiye. La valeur du mariage c'est seulement. Tunajua heshima. Tunajua valeur. Valeur, la valeur de la vie. Tunajua valeur ya ndoa. Aba bantu bote aba. Aba yue valeur ya bubikira. Na ndoa ba yue. La virginité, ils ne savent pas la valeur du mariage. Kama muri wanaka mpagano. Vous êtes marié pendant que vous êtes payé. Vous ne le saviez pas. Aba sasa unayua. Wenda peleka mari. Va déposer la dot. Pour que une bibi. Akuye. Mali yako ya kipeke. Quelle soit ta propriété privée. C'est ainsi que nous attendons manger Camino Humu. Bana mukibale kuna ita ba Maria ni basharati banguvu sana. Ça va yimbo mwakati akivugu. Maria ce sont des prostituées comme des chaînes dans la période de chaleur. Bibi bwana ko mukaji. Les mariés au travail. Ça va na sonta kwa 21. Comme elle a dit qu'il va venir. Je vais kona mulalala mu moto humu sa yimbo mwakati akivugu. Bana couché partout ici comme une chaîne. Ils ne sont pas sous l'alliance, ils n'ont pas de loi, ils vivent comme des bêtes. Mwanamuke wa kuishika kuishi na bwana bila mari. De vivre avec un mari sans pour autant déposer la dot. Beko naishi sawa imbwa mwanamuke na imbwa mwanamuke. Ils vivent comme un chien et une chienne. Sawa mbuji mwanamuke na mbuji mwanamuke. Comme un bouc et une chèvre. Juu ile shiku kama imbu anaweza kupatia mimba. Lorsque la chienne, les chiens t'a déjà engrossé. Ah, mbuji anakupatia mimba. Mbuji wa voisin. Un bouc. Ah, wa mwili ya vingine anakupa mimba. Ah, engrossé la chèvre. Baye kukuacha. Pour te laisser. Ana na compte à rendre. Il n'a pas de compte à rendre. Atasamba kwa nani? Pour te séparer avec toi. Awezi kwa kwenda kusamba kwa mwingine mbuji. Tu peux pas aller comparaître devant les chiens. Ça va s'arrêter sur la rue. Wewe unawaki yako na yembela na mimba yako kule utazaria kule utaanza kutesha kwa kunonesha watoto kwa kutafuta vyakula mtalie kwa kanisha kwenda kukafuria watu wengine na mimba le bouc est parti pour aller engrosser une autre chef. C'est ainsi que mwanamke wa heshima une femme honorable anapenda bamupelekee mari. Sheri mko nasikia kama bwana yako yapelekaka mari umfuane kibukutu akupelekee mari kuanzia na hapa sasa hauna na bei. Mko naishi mbundumba na watoto wenyewe mwencha kuzala kwa mbundumba kuvike bamupelekee mari. Ce sont des enfants de la prostitution pour fi qu'on dépose la dot pour toi. Donc, c'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi Jésus-Christ a payé la dot pour nous. Il est venu comme un homme. Il a souffert. Il a été blessé. Il a été sacrifié. Voyez, il a été immolé. Son sang a été versé pour payer le prix de notre rachat. Mais, et au-delà, il nous donne le Saint-Esprit. Après avoir pour Mali, Jésus a payé la dot. Il ne nous sauve pas comme ça. Ah, je t'en connais boule. Eh bien, mes frères. Pour en rendre compagnie. Oh, la vie est devenue compliquée. La vie est devenue compliquée. Parle au ribeva qui vivait mutoto à Benyewe. Lorsque tu avais pris la fille. Amoukoué na mutoto. Wa kwanza na kuya. Wa pire na kuya. Wa tato na kuya. Wa ina na kuya. Quatrième enfant. Tu n'as pas toujours l'argent. Tu es un insensé. Jésus n'apprécie pas des gens comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, c'est bien. 1 Corinthiens chapitre 6. Voyez, donc vous voyez l'importance du repos. Ah. Et vous verrez ce que Boaz fera pour prendre vite. Pas toi, une femme qu'on est en train de prendre comme ça, sans rien donner. Ce sont des... C'est ce qu'on appelle les mariages sans date. Papa fâché, les petits frères fâchés. Les ordres. Fujo. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. Regarde comment Jésus souffre. Et comment il a souffert pour nous racheter. Ça, tu prends une femme sans rien faire. 1 Corinthiens chapitre 6. Dans son verset 9 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous avez été reçu de Christ, que vous avez reçu de Christ et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est vrai. Car d'abord vous ne vous appartenez plus. Vous êtes maintenant la propriété de celui qui vous a racheté. Nous n'avons pas été rachetés à un prix vil. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi dans notre corps et dans notre esprit, nous devons glorifier Dieu. C'est vrai. Parce que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Nous sommes les temples de Dieu. C'est vrai. 1 Corinthiens chapitre 3. Dans son verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être quelque chose, et pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, qui nous conduit à un repos éternel, nous devenons sa propriété. Oui, bien-aimé frère, nous lui appartenons en toutes choses. Nous n'avons plus la liberté de vivre comme nous voulons, de faire comme nous voulons. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. Tu détruis le temple de Dieu. Tu bois de l'alcool. Lutuku, Mikoyo. Des boissons indigènes. Ma whisky. Des whisky. Tu détruis le temple de Dieu. Unaribu ekalu ya Mungu. Ukonatakata unachunguza kangoji ka kale Mungu alikupatia. Pour te protéger contre le soleil. Tu détruis la couche de la peau que Dieu t'a donnée. Tu es en train de détruire le temple. Unaribu ekalu ya Mungu. Tu vas répondre. Utasambaka. Quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Moi, vote bakutakata. Vous tous qui éclaircissez. Banesha kwa na bimatashi tashi mu mauso. Vous avez maintenant des cachets sur le corps. Yaman sabuni. Vous avez des cachets de savon. Dieu vous détruira. À moins que vous répentiez. C'est pourquoi tu m'occupes. Ona chambula Mungu. Tu insultes Dieu. Jakupenda ubuzungu bula utakuyaka. Par ta façon de chercher d'être blanc pendant que tu ne seras jamais blanc. Kone pakala mafuta kutakata. Tu appliques la kutakata. Éclaircissante. Kuruta mangoji. Tu frottes la peau. Dieu change ngoji yako. Tu détruis le temple de Dieu. Unaribu ekalu ya Mungu. Dieu te détruira. Mungu naye atakuharibu. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. Étant une propriété de Dieu, nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons. Quand le sceau de Dieu vient en nous, il nous rappelle et nous rassure que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Oh, Mama Arisema, Maman a dit, toutes les femmes qui coupent les cheveux iront en enfer. Vous détruisez le temple de Dieu. On se moque de moi. Je deviens comme une vieille pendant que je suis jeune. Tu ne comprends absolument rien. Awelewekitu. Tu ne comprends absolument rien du tout. Si tu es racheté, tu es la propriété privée de Dieu. Tu lui appartiens. Tu ne peux plus faire ta volonté. Ni la volonté de ton père. Ni la volonté de ta mère. Ni la volonté de ton grand frère. Ta volonté est soumise à la volonté de Dieu. Un homme qui est dans les repos avec Dieu ne se soucie pas de ce que les autres disent à son sujet. Papa a dit, maman a dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Une division entre le fils et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. C'est ça la division que Jésus est venu apporter. Quand papa et maman disent quelque chose qui n'est pas parole, je m'en fous. Je ferai ce que Dieu me dit. Je ne suis plus pour maman, pour papa, je suis à Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu parce que Dieu a fait de mon corps son temple. Deuxième Timothée chapitre 2. Timothée, verset 19. Néanmoins, Les solides fondements posés par Dieu subsistent. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et nous nous éloignons de l'iniquité pour que nous soyons des vases d'honneur dans la maison de notre Père. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Comme nous sommes devenus par la voie du baptême du Saint-Esprit, nous sommes au repos. Vous voyez, nous ne ferons plus ce que nous voudrons. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le sceau, c'est un gage de sécurité. C'est vrai, frère. Nous sommes sécurisés contre le diable. Frère, pourquoi Dieu nous donne son Saint-Esprit et nous fait entrer dans son repos? Ni Shétan ni Achitougou, c'est un an. Ne puisse plus nous toucher. Nous sommes devenus des intouchables. Ne touchez pas mes joints. Frère, Duku. Si tu joues avec un enfant de Dieu, tu verras. Là, je vous dis une chose. Savez-vous que il y a beaucoup de frères na ba soeur ba mingi, et beaucoup de sœurs qui traversent dans des difficultés parce qu'ils ne savent pas où sont les enfants de Dieu, où sont les filles de Dieu, où sont les enfants de Dieu. Et ils souffrent à cause des mépris, l'arrogance. C'est parce qu'ils méprisent. C'est parce qu'ils insultent. C'est parce qu'ils avaient insulté les enfants de Dieu. Frère. Duku. C'est. Dada. Ouvrez largement vos oreilles. Ba frère Bengine. Il y a certains frères. Na ba soeur Bengine. Et certaines soeurs. Ils saturent même des malédictions. Naïle. Et cette malédiction. Inanza kubangaisha. Banekala bananza kusema. Ni mateso yenyewe inatuzokea wapi? D'où vient cette malédiction? Na beko na sababu kusema. Ils oublient que ni matushi. C'est à cause du trash. Mashimango. La médisance. Kibengo baranza kufuanyaka na mazarao. Beko na fana batoto ya Mungu. Sur les enfants de Dieu. Awezi kuzarao mtoto wa Mungu mwenye kuzaliwa kwa mara ya pili mwenye kuwa na Roho Mtakatifu Mungu akose kushatie. Et que Dieu ne puisse pas te châtier. Frère, Duku. Si Paul a l'oublié, il a dit, Paul a prêché à Dieu. Vous devez discerner le corps de Christ. On n'a pas su kutambua le corps de Christ. Ni nani? Mwili ya Christ. Le corps de Christ. Mwili ya Christ. C'est chaque frère. Nakila Nduku. Et chaque sœur. Nakila Dada. Qui est baptisé du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit. Mwenye kwa ekalu ya Roho Mtakatifu. Uko na ngaika una na kazi. Tu souffres, tu n'as pas d'emploi. Dieu a kukosa heshima. Parce que tu as manqué de respect à l'égard des enfants de Dieu. Tu n'as pas de mari, tu n'es pas épousé. À cause des mépris, tu as insulté les enfants de Dieu. Frère, Nduku, il faut que sopoka. Il faut faire attention. Mutoto wa Mungu, un enfant de Dieu, mwanaume au mwanamke, ou le Mungu, anapatia Roho Mtakatifu, anakuya intouchable, il devient wasipokuguswa, anakuya incriticable, anakuwa wasipokubeula, kushimanga, il faut jamais les critiquer, les mépriser. Kumushimanga na kumbeula. Faut jamais les mépriser et critiquer. Faut jamais les critiquer. Akushambula. Faut jamais l'outrager. Ata uko na franga. Même si tu as d'argent. Ako uko na kazi, il gagne un peu d'argent. Ton mari a un emploi qui paye. Ushaanze kuikala mushambre yako. Faut pas rester dans ta chambre. Uko na zarau le sœur. Mépriser cette sœur. Ou ses frères là qui n'a rien. Tu vas t'attirer des malédictions. Cet argent va se terminer. Même si tu faisais des affaires qui avancent, Dieu va frapper dans tes affaires. Tu vas t'exiger. Tu seras démis de tes fonctions. Oh, je suis démis de mes fonctions. C'est à cause de tes prières que tu avais appliqué sur les enfants de l'Éternel. Wamupakaliwa mafuta wa Bwana. Dites amen. Oui, frère. Un chrétien discipliné. Mon Christ, mon Dieu, qu'on a utaratibu. Lana tu connais plus qu'un bari. Jésus Christ, on est comme Jésus Kalana. Pendant que tu as déjà chargé. Apana Jésus. Où est-ce que tu peux me chercher? Viens, je vais t'aider à porter la malédiction. Oui, bien, mes frères. On a un tout compère. C'est pourquoi vous allez voir les frères. Dès qu'on a chomba. Qui tombent en faillite. Les frères et les sœurs qui tombent en faillite. Wakati ngine bukweri bunavunjika jua kipenda. Leur mariage se brise à cause de l'outrage, le mépris. Hata kama sœur akuzale, tu ne peux pas la mépriser. La sœur est stérile, awezi kumubeula. Mais kama Roho Mtakatifu anashikia ile. Écoute cela. Unasema atashikiria wapi? Où est-ce qu'il va entendre? Où est-ce que le Saint-Esprit va entendre parce que j'ai la critique dans ma chambre? Le Rome Takatif n'a pas. Ce que vous parlerez dans votre chambre, on va les prêcher du haut de la chair. Il n'y a rien que tu peux faire dans les secrets que Dieu ne connaît pas. Qu'il est mungu asijua kinako. Chacun de nous est mis devant Dieu. Même nos pensées sont mis devant Dieu. Respectez les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Batoto ya Mungu, amwangalia hapa uso hapa. Nani yule anaona sema bana mwandika sema kuna Roho Mtakatifu. Qui est-ce que sur lui on a écrit qu'il a le Saint-Esprit? Nani yuko na? Qui est celui-là sur qui on a écrit? Mimi kuna Roho Mtakatifu. Unaona bana anaandika hapa uso. Moi je le sais kuna Roho Mtakatifu. L'ancien a le Saint-Esprit, est-ce que c'est marqué sur son front? Tena mimi kuna Roho Mtakatifu na mabole. J'ai le Saint-Esprit mais j'ai des dents qui manquent. Unaona? Unaona? Quand tu regardes ces manquements de mes dents, tu les vois. Tu auras affaire à Dieu. Voyez bien mes frères. On en a tout qu'on peine. Voyez bien mes sœurs. On en a tant peine. Mali à Mungu. La propriété de Dieu. On ne peut pas se jouer avec la propriété de Dieu. Parce qu'on a, même dans la chair ici. Attends, mon mouili. Parce qu'on a un goût. Pour voir la force de Dieu. Va se jouer à sa place. Même s'il n'a pas de force. On a tiré dans la Bible. Il s'est joué seulement de sa place. Il va même te mordre afin que sa colère soit apaisée. Ne jouez pas avec des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Dieu leur donne le Saint-Esprit, c'est pour les sécuriser contre l'ennemi. C'est vrai, frère. Bien quoi, Rindou. On va faire comment? Voyez bien mes frères. On a un peine. Voyez bien mes soeurs. On a d'autres peine. Le Saint-Esprit s'est engagé de notre sécurité. Notre sécurité contre les attaques de l'ennemi et contre l'ennemi lui-même. Ne touchez pas à mes joints. Pourquoi? Parce qu'ils sont ma propriété. Les gens pour lesquels j'ai souffert. Les gens pour lesquels j'ai pleuré. À Gethsemane, j'ai prié pour ces gens-là. C'est vrai. Ces gens pour lesquels j'ai accepté de mourir comme un bandit. Comme un homme sans valeur. Les gens pour lesquels j'ai été déshabillé entre le ciel et la terre. Frère, Jésus ne nous a pas payé. Si à tout la marchandise en combo, non frère, à tout la marchandise en combo, nous ne sommes pas une marchandise de friperie. Nous sommes originaux. Frère, Mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, Dieu ne peut pas supporter que l'ennemi nous touche. Adui atuguse. Frère, c'est pourquoi il donne. Comme c'est une œuvre achevée. Tu as cru. Uriamini, tu t'es repenti. Tu as expérimenté la sanctification. Utakaso. Il regarde dans ton cœur. Il n'y a plus le désir du péché. Il n'y a que son désir. Il n'y a que sa volonté. Il te donne son sang. Pourquoi? Pour te garantir que tu lui appartiens. Il entre en alliance avec toi. C'est vrai. Il dit maintenant tu es devenu intouchable. Tu es une femme mariée. Personne ne peut te toucher. Mouke wandoa, tu touches une femme mariée, on te finit. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. C'est pourquoi je m'arrête ici. Nous allons continuer. Frère. Nduku. Tu diffondes. Apreno. Kama ushikie kintu. Si tu ne comprends rien. Dans la vie de ton frère ou ta soeur, apprends à te taire. Arrêtons de bavardage. Arrêtons. Si un frère a des manquements, la soeur a des manquements, et que toi tu as quelque chose, aide-les. Apana. Kuchukia mtoto wa Mungu bila mambo. Il faut pas haïr un enfant de Dieu sans cause. Ataweza takama na kotola. Même si le branche. Afana kumchukia. Il faut pas l'haïr. Eko intouchable. Ana wakuguswa. Bile uko na fwana contre les enfants de Dieu. Ce que vous faites contre les enfants de Dieu. Mali ya Mungu. La propriété de Dieu. Nimbe koko noteshi. C'est la semence que vous semez. Aina la shuku kuna otesha mbeko. Ce n'est pas les jours que tu sèmes la semence. Jo utavuna. Que tu peux récolter. Isa tawaza ta kujitapa na kujitapa sa. Tu peux même te vanter. Moi j'insulte des pasteurs, des diacres, je méprise des frères. Mais je n'ai jamais vu des punitions. Akuna mambo. C'est pas grave. Endelea kuotesha. Continue à semer. Kama uko na persécuter bwana yako. Si tu persécutes ton mari, ao bibi yako. Ou ta femme. Yeye ni mtoto wa Mungu. Pendant qu'il est enfant de Dieu. Depuis nianza kumpersécuter. Depuis que j'ai commencé à le kibumbafu. Yes, c'est un insensé. Dio ni kiabule kumacho yako. Il est insensé devant toi. Mais wabe imbele ya Mungu. Mais il est précieux devant Dieu. Ouais, endelea kuotesha. Continue à semer. Mungu wa kumbingu. Il attend que ta coupe soit au comble. Lorsque ça sera au comble, alors tu te souviendras que Dieu existe. Il ne faut pas se jouer de la propriété privée de Dieu. Il ne faut pas se moquer de la propriété privée de Dieu. Regardez cette parole que Boaz lui adresse. Étends ta main. Parce que c'est toi qui as le droit de rachat sur moi. Écoute la réponse. Sigilize, Djibu. Écoute ma fille. Sigilize, binti wangu. Ne crains point. Usiogope kitu. Ne crains point. Usiogope kitu. Je ferai. Tafanya. Tout ce que tu as dit, il est yote ulisema. Je ferai tafanya, tout ce que tu me diras. Il est yote utaniomba, utaniambia. À cause. Kwa ajili, avant que je termine. Mbele ya kumaliza. À cause de l'esprit de Dieu qui est en nous. Kwa ajili ya roho ya Mungu iko ndani yetu. Il est strictement interdit. Inakataziwa kabisa kabisa. À un chrétien. Kwa mukristo. À une chrétienne. Mwanamke wala mwanaume. Baptisé du Saint-Esprit. Mwenye ubatizwa Roho Mtakatifu. De maudire les gens. Inakataziwa kulani watu. Vous ne comprenez pas, je vais finir. Amuyaelewa. Il est strictement interdit. Inakataziwa kabisa kabisa. À une sœur, à un frère qui est baptisé du Saint-Esprit, de prononcer contre quelqu'un des mauvaises choses, de la malédiction. Pourquoi? Kama unalana mtu, si tu maudis quelqu'un, ile lana inakubamba, va le saisir. Ne souhaitez jamais à quelqu'un de mauvaises choses. Kama on a souhaité, tu l'as lucié. Il est vivant, il t'a moufiki. C'est mauvaise chose. Pourquoi Boaz accomplira certainement ce que toi tu as dit. A qui le risema? C'est pourquoi la Bible dit, ne maudissez pas. Mushilani, bénissez toujours. Alakini mondele kubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu mi bariki. Lève-nous pour la prière. Tout simame Dieu à ma ombre. À l'appel de Dieu, répondrai-je. Vous pouvez chanter. L'église est avec moi. Nous sommes devenus une propriété privée de Dieu. C'est pourquoi nous avons une Après être devenu la propriété de Dieu, Dieu a honoré cette fille. Dieu s'est aligné que le véritable Boaz, notre Seigneur Jésus-Christ, est né. Frère, I'm ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole.